Chapitre 23. Conrad, Évrard, Rosemonde et Jonathas réunis passèrent dans la maison du garde-chasse une triste nuit d'insomnie, de terreurs et de larmes. Évrard, le premier appareil une fois posé sur sa blessure, avait voulu se lever. Il était à demi étendu sur une chaise longue. Conrad, assis à ses côtés, lui tenait la main. Rosemonde allait et venait, préparant quelques boissons aux malades. Parfois, dans un pieux élan, elle se jetait à genoux et priait avec ferveur. Quant au bonhomme Jonathas, que ces événements, qu'il aurait dû prévoir en partie au moins, frappaient comme un coup de foudre, il ne fit que pleurer et sangloter pendant toute la lugubre veillée. Entre ces quatre personnes unies par la même pensée d'angoisse, il y eut, pendant cette longue nuit, des silences qui durèrent des heures. On n'entendait que les sanglots de Jonathas, le tintement régulier de l'horloge de bois et le vent qui faisait rage au dehors, menaçant d'ébranler la frêle toiture de la maison. Puis des exclamations, des prières, des invocations à Dieu tombait au milieu de cette morne attente et la rendait plus affreuse. « Prions pour lui, » disait Conrad. « Jésus, ayez pitié de lui, » répondait Rosemonde. « Ma mère, pardonnez-lui, » murmurait Évrard. Minuit sonna. Une question de Conrad les fit tressaillir tous. « Vit-il encore ? » demanda-t-il. « Hélas, il est perdu !» répondit Évrard après une pause. « Ma mère me l'a toujours dit. Il devait périr, sinon par moi, du moins à cause de moi. Je n'ai pas été le bourreau, je suis la hache. » Et cependant la pauvre mère le plaignait, mais le destin a été plus fort qu'elle. Tout a concouru à cet événement prédit. Tout, non seulement ce qui était impur et mauvais, comme l'ambition du comte et les vices de mon frère qui l'ont tué, mais ce qui était bon et religieux, comme la confiance de Jonathas et notre amour sacré. Le sort le voulait, les terribles passions dont mon père était possédé réclamaient leur victime. Il est perdu. Une heure après, Évrard reprit. « Que se passe-t-il à présent là-bas? Quelle affreuse calamité nous attend, mon Dieu ? Nous étions si heureux hier matin, nous faisions de si beaux rêves. Et maintenant, quel espoir nous reste-t-il et quelle est notre vie désormais? Prions, dirent à la fois Conrad et Rosemonde. L'aube triste de décembre, plus sombre qu'une nuit de mai, fut bien lente à apparaître ce jour-là. Dès qu'une pâle lueur éclaira les vitres de la chambre, Conrad se leva. « J'y vais, » dit-il. « Nous irons tous, » reprit Évrard. Nul ne fit objection. Évrard s'appuya sur son oncle. Rosemonde et Jonathas marchèrent derrière eux et tous quatre s'acheminèrent vers le château. 8 heures sonnaient au moment où ils arrivèrent devant la grande porte. Les valets commençaient à s'éveiller. « Quelqu'un de vous a-t-il vu le comte d'Epstein depuis hier soir ?» leur demanda Conrad. « Non, » répondirent-ils, « le comte s'est enfermé dans sa chambre en défendant qu'on le dérangeât. »« A-t-il sonné ce matin ?» continua Conrad. « Je suis le comte Conrad, le frère de votre maître, et voici son fils Évrard que vous connaissez. Suivez-nous. » Conrad et Évrard, suivis de 2 ou 3 domestiques, montèrent à la chambre de Maximilien. Rosemonde et Jonathas restèrent en bas. Arrivés à la porte, Conrad et Évrard se regardèrent et se firent peur l'un à l'autre, tant ils se trouvèrent pâles. Conrad frappa. Nul ne répondit. Il frappa plus fort, même silence. Il appela doucement d'abord, puis à haute voix, puis avec désespoir. Évrard et les gens du comte se joignirent à lui. Tout se tut encore. Qu'on apporte des pinces, dit Conrad. La porte fut enfoncée. La chambre était vide. Nous entrerons seuls, Évrard et moi, dit Conrad. Ils entrèrent, refermèrent la porte et regardèrent autour d'eux. Le lit n'était pas défait, rien ne semblait dérangé, seulement la porte secrète était ouverte. Voyez, dit Évrard en la montrant de son doigt. Conrad prit sur la cheminée une bougie qui brûlait encore. Puis l'oncle et le neveu s'engagèrent dans l'étroit passage et descendirent à pas lents l'escalier funèbre. La porte des caveaux était ouverte. Alors Évrard, prenant le flambeau des mains de son oncle, mena Conrad au tombeau de sa mère. Le couvercle de marbre était soulevé et la main du squelette passait, tenant le comte Maximilien étranglé par deux tours de la chaîne d'or. Le lendemain, quand après avoir rendu les derniers honneurs au comte d'Epstein, Conrad, Rosemonde et Évrard se retrouvèrent en face l'un de l'autre. « Adieu, » dit Conrad, « je vais me faire tuer pour l'empereur. »« Adieu, » dit Rosemonde, « je vous ai promis d'être au seigneur ou à vous, Évrard. Je ne puis être à vous. Je retourne au tilleul sacré. »« Adieu, » dit Évrard, « moi, je reste à souffrir ici. » Conrad, atteint d'une balle au cœur, tomba à Waterloo. Rosemonde, un an après, prononça ses vœux à Vienne. Évrard demeura solitaire à Epstein, continuant d'habiter la chambre où s'étaient accomplis les terribles événements que nous venons de raconter. La mort du soldat, les prières de la Vierge, les larmes du solitaire, ont-elles obtenu grâce pour le meurtrier ?